Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Caprice de lecture où je reçois aujourd'hui Christian Schott. Bonjour Christian. Bonjour Sarah. Pour son premier roman policier qui s'appelle L'Orage, édité aux éditions Execo. Comment ça va Christian? Ça va très bien et en plus par cette journée printanière, ça va vraiment donc bien. Donc c'est voilà. Super. Et on est bien ici. Alors, comme d'habitude, l'émission va se décomposer en trois grandes parties. Il y aura une série de questions qui vous sera totalement consacrée, Christian, avec quelques coupures musicales que vous avez choisies. Donc vous pourrez les présenter si vous le souhaitez. Il y aura le caprice de la semaine et que vous allez aussi nous présenter. En fait, il n'y a que vous qui allez parler aujourd'hui. Voilà. On y va? C'est mon émission. C'est voilà, votre émission. Alors, Christian, c'est votre premier roman policier qui se déroule en Lorraine avec des personnages, on va dire, très locaux. Ils ont un accent, ils ont une façon de parler, ils ont une façon d'être. Et puis des villages, parce que j'ai quand même cherché longtemps le nom des villages qui n'existent pas. Alors, pour ne donner qu'un exemple, il y a Diablange ou Clange. Alors, moi, je voyais ça dans le Pays Haut et en fait... Non, ça n'existe pas. Ça se trouve quand même dans la campagne thionvilloise, on va dire, aux alentours de Thionville. Alors pourquoi avoir changé le nom des villages? Parce que peut-être je voulais pas laisser de traces. Et puis c'est marrant parce que j'ai plein de copains qui ont cherché les villages aussi, qui ont pris des cartes d'ailleurs, comme vous, qui ont gardé. J'ai tout cherché, j'ai pas trouvé. Et pourtant, je me suis vraiment appuyé sur une réalité, quoi, baigné dans un des villages, c'est un village de mon enfance aussi, et avec des personnages qu'on a pu croiser ou recomposer à travers... Parce que quelquefois, on a l'impression d'avoir des personnages un peu, vous savez, caricaturés. Complètement. Et ils sont caricaturés. Mais la réalité, c'est parfois une réelle caricature. Et parfois, il faut même les édulcorer un peu pour qu'ils aient l'air crédibles. Ah ouais. Sauf que parfois, on croise de ces personnages. Je viens d'en croiser deux dans le train en venant. pour vous raconter une anecdote, un dialogue entre deux époux qui s'engueulaient un petit peu parce que je sais plus quoi. Et je me suis dit qu'un jour, je pourrais les replacer quelque part. Mais voilà. Oui, c'est parce qu'en fait, ça. Quand vous êtes écrivain, vous êtes toujours en recherche de. Ben oui, c'est un peu spongieux comme ça. Et puis des choses. Voilà. Je crois que. Enfin, moi, en tous les cas. C'est ce que je fais. C'est ce que vous faites. C'est ce que je fais. Ok. Alors, pareil dans votre roman, ce sera ma deuxième question. On a parfois l'impression d'être dans un brouillard permanent et une ambiance un peu terne. Alors, par exemple, page 25 de votre roman, moi, il y a un truc qui m'avait un peu surprise, c'est « Il franchit le pont qui enjambe la Moselle. Une péniche hollandaise remonte paresseusement le courant, aplatie sous des tonnes de charbon. » Et on imagine... Le poids, le charbon. Et puis, vous donnez toujours ce côté un peu brouillard, un peu mystérieux. Alors, je me disais, c'est triste, mais en même temps, c'est réconfortant, parce que quand on vit dans le Nord-Est, on sait que ça existe quand même souvent. Pourquoi est-ce que vous avez choisi justement cette atmosphère pour emmener votre lecteur dans votre intrigue? On voit quasiment jamais le soleil, ou très peu. Et c'est vrai, mais je m'en étais pas vraiment rendu compte non plus. Je vous avoue, il y a de la pluie, ça fait un peu une atmosphère à la Simenon parfois. Et puis vous avez un inspecteur qui porte l'impair. Moi, je l'imagine un peu courbé, vous voyez, sous le poids de cette enquête. C'est vrai que c'est vous qui soulignez tout ça, mais c'est... Alors, je me dis, il l'a fait exprès pour souligner qu'on est bien dans le Grand Est, dans notre région. En fait, je suis très ancré, sûrement dans une réalité que parfois je traduis, mais sans même m'en rendre compte. Quoi. Je crois que c'est encore mieux, alors. Je crois que c'est exactement ça, et c'est vous qui pointez. Non, mais pas du tout, mais bien au contraire. C'est assez extraordinaire. Ouais. J'avais l'impression d'être tout en haut de la Moselle en plein hiver. Quoi. Bah, c'était ça. Ouais, c'était ça. Vous y étiez. Donc j'ai réussi à vous y mettre. Vous m'avez emmené. Vous y posez, voilà. On va faire une petite coupure au milieu de tout ce brouillard et on revient juste après. We'll be right back. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour dans Caprice de lecture pour cette deuxième partie d'émission en présence de Christian Schott pour son premier policier qui s'appelle L'Orage. Christian, j'avais une troisième question à vous poser parce que ce polar est construit. Donc on a une histoire de harcèlement scolaire, un jeu dangereux qui dérape et surtout une vengeance. Est-ce que pour vous, ce sont les trois éléments clés ou les trois ingrédients clés pour construire un bon polar? Si c'est un bon polar, c'est vous. Bon, pour moi, c'est un bon polar. Un bon premier polar. Parce que moi, je ne sais pas si c'est un bon polar. Voilà. Et ce n'est pas de la fausse modestie. J'ai quand même besoin d'un retour. Je vous remercie déjà. En tous les cas, c'est les ingrédients que j'ai utilisés, que j'ai voulu mettre en avant, à la fois en avant parfois, et puis parfois en fond aussi d'histoire qui a guidé tout ce cheminement, cette enquête quoi, menée par un policier solitaire. Mais c'est bien là-dessus que je me suis appuyé. Parce que le harcèlement scolaire, c'est un sujet très à la mode. C'est peut-être pas le bon terme, mais c'est un sujet vraiment d'actualité. Oui, c'est très à la mode, mais c'est d'actualité. Mais j'ai connu ça aussi, et je suis plus tout jeune. Ouais. Et je me souviens des souffres-douleurs que j'ai croisées. On n'en parlait pas. Et j'ai fait partie de ces gamins qui se moquaient d'autres gamins. Et c'est des choses qui marquent. On l'a tous été un jour, peut-être. Celui qui se moque des autres, voilà, pas qu'on se moque j'en ai de fait lui. Partie. Aussi. Et c'est des choses qui m'ont peut-être et sûrement marqué dans la vie. Et cette histoire de vengeance, parce que, voilà, sans dévoiler, bien sûr, on a une histoire de vengeance qui est vraiment. Qui a mûri pendant des années. Et ça éclate là au grand jour. Et je me dis, mais comment il arrive à construire ce personnage qui, au final, est presque un personnage en retrait dans le roman. Complètement, oui. Et qui devient le devant de la scène. C'est ça. Donc je me dis, ça fait partie de ces ingrédients-là. C'est un truc hyper mûri et tellement mûri que la personne, elle pète un câble. À un moment, il y a quelque chose qui fait qu'on pète un câble. C'est le genre humain, c'est ça aussi. Cette approche un peu, pas humaniste, mais si, des personnages, en tous les cas, que j'essaye de mener. Quoi. Mm-hmm. Les héros, les défauts, les tards, humain. Il y a beaucoup d'humains là-dedans. Les hommes, voilà, c'est ça. Alors, en parlant d'humains, ça c'était ma quatrième question. Notre inspecteur Bolitch. Alors, où Bolitch? Moi je dis Bolitch. Moi, quand je l'imagine, quand j'ai lu ce roman, pour moi c'est Columbo. Il lui manque que la cigarette, voilà. Est-ce qu'il vous a inspiré l'inspecteur Columbo? Mais je pense vraiment, parce que moi je suis un fan de Columbo. Ah bah voilà. Donc, et c'est à plusieurs reprises on m'a dit, et c'est vrai que c'est comme ça que je le vois, avec son aspect hyper mastique, pas trop, un peu froissé comme ça, ouais. C'est vrai, un peu courbé. Toujours un peu terne comme ça. Voilà. Donc ça vous a vraiment inspiré? Chante, mais je pense oui. Mais je revendique complètement. Vous le revendiquez complètement. Alors, puisqu'on était avec Columbo, on va faire une petite coupure musicale et on revient juste après. Thank you. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour dans Caprice de lecture pour cette troisième et dernière partie d'émission. Christian, est-ce qu'un autre roman est en cours d'écriture, de création? Et autre question, j'en profite, est-ce qu'il sera un petit peu sur le même thème? Est-ce qu'on sera plutôt sur le genre polar ou un tout autre genre? Ça sera un polar. J'ai mis le point final il y a deux jours d'une deuxième enquête de l'inspecteur. Je crois qu'il est devenu principal maintenant. Bolitch, voilà. Et bon, il est en cours de relecture, etc., ouais. Hein, de mise en forme. Ça reste un polar. Enfin, c'est un polar, oui, puisque c'est la deuxième enquête. Je pense que c'est la deuxième enquête, parce que je ne sais pas trop ce qu'a fait Bolitch entre les deux enquêtes-là. Je ne okay. sais pas toute sa vie non plus. Je découvre parfois au fur et à mesure, mais c'est vrai que j'étoffe le personnage. C'est assez marrant. Comme... J'ai l'impression de vivre parfois avec quelqu'un que je regarde et qui... Voilà. Bon. Non, non, mais c'est vrai. Hein. Oui. Mais j'ai une idée, puis je pars ailleurs. Quoi, ça coule. C'est, ok. Voilà. J'écris comme. Enfin, en tous les cas, c'est ma façon à moi d'écrire. Donc, c'est bien un polar qui devrait être édité, si on veut bien méditer, parce que éditer, c'est pas. Hein, je sais ouais. pas voilà. C'est pas gagné d'avance. C'est pas obligatoire non plus. C'est vrai. Voilà. Et j'espère dans cette maison ex aequo qui est une maison familiale, mm-hmm. sympathique. Voilà. Ouais. Et ça fait partie des choses qui. Et qui, la directrice notamment, m'a encouragé à continuer avec ce personnage. D'accord. Ce qui n'était pas... Parce que moi, écrire un polar, c'était un peu à pari avec moi-même. Je me suis plus amusé. J'écris des nouvelles. J'avais écrit un roman. C'est un premier petit polar que j'avais voilà que j'avais Mais écrit. Mais Bolitch, la façon dont vous le faites évoluer là, dans l'orage, Bolitch ne demande qu'à s'épanouir. C'est ça. Voilà, alors hein? on va l'aider. Voilà, voilà. on va l'aider. ouais. Alors du coup, en parlant de ça, c'est quoi pour vous votre bibliothèque idéale? Alors, ma bibliothèque idéale, c'est vrai que je pense qu'elle changerait à peu près tous les jours avec des Modiano, des Le Clésio, des Maurice Ponce, des... Je lis aussi beaucoup de poésie, Tristan Corbière, etc., des livres sociaux, enfin bon, bref. Ok, vous êtes assez dans vos choix, vous êtes très éclectique complètement. Dans vos choix. J'ai, ouais, vous marchez au coup de cœur peut-être. Ouais, je marche au coup de cœur, aux découvertes, aux conseils aussi. Je lis beaucoup des magazines dédiés à la lecture, à la littérature, donc... Voilà, ce qui sort aussi de temps en temps. Donc voilà, c'est bien de découvrir des nouveaux talents. Voilà. C'est bien. On va faire une petite coupure musicale et on va revenir avec le caprice de la semaine que Christian va nous présenter. Thank you. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette dernière partie d'émission Caprice de lecture, où Christian Schott, auteur du roman L'Orage, édité aux éditions MVO Éditions, va nous présenter son caprice de la semaine. Et Christian, c'est à vous. Mon caprice de la semaine, donc un livre que je... Un livre que vous avez aimé. Un livre que j'ai aimé, mais qui date le livre à la fois et mon amour pour ce livre aussi. C'est un livre qui s'appelle Les Saisons, d'un écrivain qui s'appelait Maurice Pons. D'accord. Alors c'est un parcours initiatique ça tient de la science-fiction, etc. C'est impossible à raconter. Je crois qu'il faut le lire. Ça vous prend, ou peut-être ça vous prend pas. Donc c'est pas un roman. Non, c'est pas un roman. C'est un cheminement. C'est un cheminement. Ok. C'est un cheminement. Et puis Maurice Pons, en plus, j'ai eu la chance de le rencontrer, quoi. Et ça, c'est une rencontre. C'est aussi pour ça que ça vous plaît. Le bouquin me plaisait avant. Et j'ai eu la chance de rencontrer l'auteur qui a vécu pendant une trentaine d'années du côté de Rouen, dans un moulin. D'accord. Qui était un lieu de villégiature, un lieu culturel. Et j'ai passé quelques jours là. Et je l'ai aperçu sans oser aller lui parler, parce que je ne suis pas le genre non plus à aller déranger les gens. Et la responsable du lieu m'a présenté à Maurice Pons, c'est mon écrivain préféré, j'ai eu cette chance-là. Et j'ai passé une soirée avec lui, on a mangé ensemble. Et on a pu échanger. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché parce qu'il était vieillissant. Et il me disait, j'ai encore un roman dans la tête et j'arrive plus à le sortir. Et il n'est jamais sorti ce roman. Et j'ai raccompagné en voiture avec mon épouse. Je raconte ça parce que c'est vraiment un truc touchant. Et il y avait donc un moulin et il nous a allumé tout le moulin pour nous deux. Super. Voilà, ça vous a marqué. Et ça, c'est un truc qui m'a marqué. Ouais. Voilà. Eh ben, merci de nous avoir fait découvrir ça. Merci pour ce premier roman que je conseille vivement, L'Orage, qui est un polar. Et vous allez adorer l'inspecteur Polich. Et vous allez adorer la radio Fadjet, parce que moi, c'est la première fois que j'y viens. J'espère bien revenir, parce que c'est super sympa. Voilà. Merci beaucoup, Christian. À très bientôt et à bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Merci.